tiramisu, chat vient nous serrer, petit fromage qui a bon goût. Et Patrick Roy est mort à genoux, une chèvre, deux chèvres, une chèvre, deux chèvres, lécher le lait, coagulé, entre 20 et 22 degrés. Et Patrick Roy n'est plus à la télé, une chèvre, deux chèvres. Patrick Roy est mort comme un con. Une chèvre, deux chèvres, une chèvre, deux chèvres. Qui sont les gnocchis? Des vieux qui tiennent des fromageries. Et Patrick Roy fait jet du jet ski. Une chèvre, deux chèvres. Un peu de calcium, ça fait pas de mal ma foi. Un sabissou, et puis j'en vois une chèvre.